Raixar, mon fils, est l'un des rares guerriers issus d'une union entre orques et ogres. Nous sommes un clan pacifiste, nous les Mokhnatal, et nous vivions sur Draenor dans les Tranchantes. Je suis Leorox, le chef du clan, et j'ai toujours protégé les miens dans la paix. Mais en dépit de mes demandes, Raixar est parti rejoindre la Horde en passant par la Porte des Ténèbres. Lorsqu'il quitta le camp, son loup Arata le suivit. La Horde avait été défaite lors de la Seconde Guerre. Raixar revint donc parmi nous un court instant, lorsque Ner'zhul lança sa propre invasion sur Azeroth afin de récupérer certains artefacts. Mon fils se trouvait avec un certain Grom Elskrim et le clan Chanteguerre du côté d'Azeroth. Il resta au service de la Horde juste après la destruction de Draenor et la deuxième destruction de la Porte des Ténèbres. Raixar fut écœuré par les trahisons incessantes des orques, d'abord par Gul'dan, puis Ner'zhul. Sa détermination fut encore affaiblie lorsque Arata, son compagnon, fut vidé de sa vie par un démoniste orc, alors qu'il avait bondi entre eux pour sauver son maître. Il tua le sorcier, mais avait perdu son compagnon. Il déclara ensuite qu'il ne ferait confiance qu'aux bêtes, mais il resta dans la Horde afin de parcourir ce monde sur lequel il était resté bloqué. Grâce à ses voyages, il se lia d'amitié avec un ours nommé Misha, qui viendrait à chaque fois que Raixar lui demanderait. Ensemble, ils voyagèrent en Kalimdor, où ils erraient dans les Barents, loin de la civilisation. Mais ils n'avaient encore rien vu des guerres que ces peuples soi-disant civilisés allaient se livrer. Durant l'un de ses voyages, cependant, il rencontra Mogrin, un guerrier orc qui venait de se faire attaquer. Raixar essaya de l'aider, mais le guerrier mourut. Mais dans sa dernière volonté, Mogrin lui demanda de livrer un message à Thrall, le chef de guerre orc, dans la ville de Grimar. Il s'y rendit. Il trouva Thrall et lui délivra le message. Le chef de guerre lui proposa de rester parmi eux, ce qu'il fit et par la suite, à ce que je sais, il aida tout autour de lui, tous les amis de Thrall en faisant profiter de sa grande force et il se fit beaucoup d'amis. Après avoir aidé les amis de Thrall, Raixar fut envoyé aux avant-postes Gartok, où ils décelèrent des activités suspectes venant des humains sur le littoral. Raixar fit un petit détour à la demande de Drektar, aux arêtes du tonnerre, où un mal étrange rendait les lézards fous. Après analyse, il trouva que ce mal venait du fait que les humains avaient coupé énormément d'arbres dans la région, et construit une scierie. Il proposa de détruire ces constructions, mais Drektar le lui interdit, car un traité de non-agression avait été signé avec les humains. À contre-cœur, il fut obligé de tuer les lézards, afin que leur folie ne provoque plus de mal. Il retourna au poste de Gartok, mais il trouva le camp rasé par les humains. En suivant les traces de sang, il trouva un camp humain sur la côte. Hors de lui, Raixar mit tous les traités de côté et détruisit le camp, puis revint faire son rapport à Thrall. Thrall fut surpris et son ami Rokan inquiet. Il envoya mon fils vérifier dans la région des îles où le peuple troll Sombrelance s'était installé. Mais depuis leur zeppelin, ils virent que la tribu avait déjà été attaquée. Leur chef, Vol'jin, transforma Raixar et ses hommes en esprits de viverne, de sorte qu'ils puissent aider les chevaucheurs de chauves-souris à détruire les cuirassés d'assaut des villages côtiers. Raixar retourna au Grimar, où le chef de guerre Thrall avait reçu une convocation à un sommet de paix avec Jaina Porvaillon. Mais Raixar, ne faisant pas confiance aux humains, se porta volontaire pour y aller à sa place. Quand il arriva, il fut pris dans une embuscade et ne vit pas trace de Jaina. Sous deux temps du coup monté, Thrall envoya Raixar voir Jaina Porvaillon afin de lui porter une lettre. Celle-ci nia avoir connaissance de ce guet-apens. En dépit de tout, Raixar la crut et combattit même des nagas à ses côtés, mais en revenant à Terramor, il fit face au père de Jaina, Daelin Porvaillon, qui voulut le capturer malgré les demandes de Jaina. Il s'enfuit et retourna auprès de Vol'jin, et durant l'attente d'une probable invasion, il combattit le mal environnant dans la région. Puis Thrall lui demanda d'aller quérir de l'aide auprès des Tauren, et leur chef Cairn s'abou de sang. Mais il trouva le chef dans un bien piteux état, et il apprit que son fils avait été enlevé. Organisant une expédition, il ramena le fils du chef et obtint de ce fait l'aide des Tauren reconnaissants. En retour, il apprit que les ogres du clan Stonemaul avaient un nouveau chef et que celui-ci, par sa cruauté, menait le clan à sa perte. Mais la Horde en avait besoin, alors Red Sar revendiqua la tête du clan et combattit le chef, Khorgal. Sans son brave Misha, il n'aurait certainement pas gagné ce dur combat, car Khorgal était en fait un très puissant guerrier. Ralliant les ogres, il retourna à l'endroit où Thrall rassemblait son armée afin de contre-attaquer les forces du père de Jaina Pourvaillant, au sud de Terramor. Thrall nomma mon fils champion de la Horde, et lui donna le commandement de la Horde pour la bataille. S'ensuivit un rude combat entre les deux armées, et le bastion Pourvaillant fut rasé. Deline Pourvaillant battit en retraite. Rexar et ses amis traversèrent le champ de bataille pour aller combattre le père de Jaina, et s'ensuivit un combat à mort entre mon fils et cette pourriture d'humain. Rexar gagna le combat en tuant Deline, puis ils se retirèrent, laissant Jaina pleurer la mort de son père. Par la suite, Thrall invita Rexar à retourner avec lui à Orgrimmar, mais mon fils préféra retourner à la nature. Il nomma Mok-Morok à la tête des ogres, et depuis, il voyage avec Misha dans les plaines arides. Je suis fier de mon fils, car il a aidé les peuples et de son altruisme est née la justice. Quant à moi, j'attends qu'un jour il revienne parmi nous. Notre monde compte bien des champions, mais peu peuvent se vanter d'avoir accompli autant de tâches bénéfiques que mon fils. Et je pense qu'il sera encore d'une grande aide pour ce monde. Je suis Rexar, dernier fils du Mok-Nathan.